Merci Fred pour l'émission sur les Blues Brothers. C'était chouette avec Ray, Aretha, Pastor Brown. Je me suis retrouvée dans ma cour à faire le swim, le monkey et le mashed potato. Merci pour cette émission sur les Blues Brothers qui était vraiment super bien. Et ça me permet de me rappeler cette super anecdote quand j'ai montré le film à ma chérie pour la première fois. Quand Jack et Elwood rentrent dans le magasin, je vois un sourcil qui se lève et elle qui me dit « Mais il ressemble quand même beaucoup à Ray Charles, le gars. » C'est-à-dire qu'elle avait laissé passer Aretha Franklin, elle avait laissé passer James Brown pour se dire que peut-être à un moment c'était les vrais qui étaient dans le film. Merci, merci, merci pour cette émission sur les Blues Brothers. Autant La Cité de la Peur, je connaissais toutes les répliques, autant les Blues Brothers, c'est vraiment le film où je connaissais toutes les musiques. Ce film m'a toujours mis une pêche phénoménale. Et puis, c'est vrai, c'est une mission pour faire Michel Chardou. Je croyais depuis 3 ans que c'était un mythe, moi. Mais le mythe va tomber. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, au complot croisière. Non, non, non, non, non, non, non, non, à Michel Chardou sur France Inter. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. To be or not to be, not to be. C'est très étrange. On a fait des blockbusters sur Asimov, Jules Verne, Lovecraft, Frank Herbert, David Bowie, Guns N' Roses, Diams, Eminem, Quentin Tarantino, Michael Jackson. Autant d'artistes dont le travail, aussi célébré et admirable soit-il, ne doit pas faire oublier qu'à un moment ou à un autre, ils ont tenu des discours ou commis des actes qui ne donnent pas envie de partir en vacances avec eux. Pourtant, d'après le vieil adage selon lequel il faut séparer l'œuvre de l'artiste, c'est à de très rares exceptions, toujours passé crème, les gens semblant savoir faire la part des choses. Personnellement, je peux tout à fait écouter des chansons, lire des livres et voir des films d'auteurs qui ne voteront sûrement jamais comme moi et dont je ne voudrais pas comme voisin. Pourtant, depuis 3 ans, aucun autre blockbuster que celui consacré à Michel Sardou n'a suscité autant de réactions épidermiques. À entendre ce qu'on me dit depuis mon plus jeune âge sur ce chanteur, j'ai l'impression que le dernier grand marqueur de gauche, finalement, c'est détester Sardou. Tu peux bétonner les forêts vosgiennes, refuser des réfugiés afghans et commander ton Happy Meal chez Deliveroo, tant que tu tapes pas des mains sur le lac du Connemara, ça va, t'es de gauche. Pourtant, si un extraterrestre me demandait de lui expliquer la France, je lui ferais sûrement écouter du Sardou. Râleur, grande gueule, souvent arrogant, chauvin, donneur de leçons avec la mauvaise foi qui va avec, latin et sentimental à la fois, mais surtout un amoureux des mots et des envolées lyriques. Franchement, si ça, ça nous ressemble pas. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. En chantant. J'étais quelqu'un qui ne savait pas du tout ce qu'il allait devenir. Je me lançais dans une voie qui n'était pas la mienne, c'est-à-dire la chanson. Je n'avais pas prévu du tout que j'allais devenir chanteur. J'avais une voix très médiocre, j'avais une technique inexistante. Et je pensais que ça allait durer 3 semaines et que je retournerais à mes cours et que ça ne tiendrait pas. Enfin, ça a été une suite de hasards, comme ça, providentiels, qui m'ont installé finalement dans la chanson. Mais au départ, en 1971, je vous assure que j'aurais juré que 1972, j'aurais été quelqu'un d'autre. Je ne pensais pas que j'aurais été encore là. En chantant, j'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois. En chantant, mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté. Enchanté, l'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant. Plus de 100 millions de disques vendus, 5 victoires de la musique, 350 chansons. Michel Sardou a été l'un des plus gros vendeurs de l'industrie du disque en France. Des tubes qui ont marqué l'histoire d'un pays. Des bals populaires au mariage champêtre, que l'on aime ou pas, tout le monde a au moins une fois entendu du Michel Sardou. Pour revenir sur celui à qui certains vouent un culte, il y en a autour de la table, et que d'autres détestent, j'ai avec moi Julien Baldacchino, bonjour. Bonjour. Alors vous faites des blind tests sur Blind Best FR, une radio sur les Michel, un podcast sur les Sardou, et accessoirement, vous êtes de la maison. C'est vrai. Voilà, je vous présente comme vous avez voulu que je vous présente. Avec nous également, Croyez bien que j'ai essayé de l'en empêcher, hein, mais c'était pas possible. Thomas Croisière, bonjour. Salut. Comme dirait Michel. L'homme qui a fait de la réintégration de Michel Sardou dans la playlist de France Inter son combat. C'est mon combat. Et sinon, vous pouvez l'entendre parler de cinéma dans l'émission Par Jupiter, et il jouera la première de son spectacle Les Aveux à Bruxelles le 3 septembre au Kings of Comedy. Ben oui, et il y aura du Michel, je peux vous le dire. Je me doute. Avec nous, Dolores Baquella, et on est ravis parce que vous allez pouvoir apporter un petit peu de modération dans cette ferveur comme ça de CCI de Michel Sardou. Vous êtes journaliste indépendante. C'est ça. Ensemble, on va retracer le parcours de Michel Sardou, comment celui qui se destinait initialement au théâtre s'est retrouvé un peu par hasard, chanteur populaire par excellence. On parlera de ses chansons, évidemment, de ses collaborations, que ça soit au niveau des paroles ou des musiques. Des chansons qui lui ont valu très tôt les foudres du pouvoir politique, mais qui ont aussi assis sa notoriété. On entendra évidemment ce que ses détracteurs lui reprochent, mais on donnera aussi la parole à celles et ceux qui l'admirent. Et en tant d'années de carrière, je vous assure, ils sont nombreux. Quand j'ai débuté, je m'inspirais de ce qui existait déjà, comme d'ailleurs beaucoup de gens. Je faisais du sous-Brel, du sous-Béco, du sous-Aznavour. Je m'inspirais de tout ce qui était, bon, dans la chanson française, quelque chose. Et puis, bon, ça marchait pas du tout. J'avais pas de voix, j'avais pas le véritablement le feu sacré pour la chanson, et un jour j'ai fait une chanson à contre-cœur, une chanson accordéon en 1970 ou 69, je sais plus, ça, c'est complètement ridicule, mes producteurs m'ont un peu violé pour faire cette chanson, et la chanson a éclaté. Et de là j'ai eu une image très, très chanteur français, traditionnaliste, très, très populiste aussi. Alors, et c'est venu par hasard. Le samedi à Broadway, ça swing comme un melon. Ange et fonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la voix de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. La Java de Broadway, paru sur l'album du même nom en 1977, qui essaie de nous faire croire que ça swing à Meudon. J'y suis passé plusieurs fois et c'était calme. C'était un jour calme, à mon avis. Je me tourne vers Julien Baldacchino. Le petit Michel Sardou, d'où vient-il ? Alors, le petit Michel Sardou, c'est ce qu'on appelle, et c'est l'expression qu'on retrouve très régulièrement sur lui, un enfant de la balle. Ses deux parents sont dans le monde du spectacle, Fernand Sardou et Jackie Sardou, sont tous les deux comédiens, ils font tous les deux beaucoup de théâtre, c'est deux comédiens de music-hall populaires à l'époque, et donc il grandit dans ce milieu-là. Il est pas toujours avec eux, il fait aussi des années de... Il est même souvent tout seul. Il est pas mal tout seul, il fait des années de pensionnat, il est... Mais dès qu'il peut, il se raccroche à ça, et en fait, ce qu'il a envie de faire tout petit et très rapidement, c'est du théâtre, c'est de la comédie. Et donc, tout jeune, les études, c'est pas son truc. À 16-17 ans, il se dit, je vais arrêter les études et je vais me lancer dans la comédie. Après avoir décidé de vouloir partir au Brésil monter un club de striptease, il fait ça avec un pote à lui. Il aime le spectacle. Voilà. Oui. Il se fait rattraper par son père à l'aéroport. Il dit à son père, je veux être dans le monde du spectacle. Et son père lui dit, ok, mais par contre, il va falloir en vivre. Donc, ne compte pas sur moi pour te pistonner. Tu te débrouilles. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à vouloir faire du théâtre. Et alors, pour revenir un petit peu en arrière, dans le livre qu'il a écrit, qui est sorti dernièrement, Je ne suis pas mort, je dors. Le cinéma. Et voilà, il explique qu'il a grandi dans la Meuse. Alors, donc le Rhin, forcément, je me suis dit, oh, c'est pas loin, c'est... et en fait, dès son enfance, il lui est arrivé des événements quand même qui te marquent un homme, notamment dans la grange, il est tombé sur un pendu, voilà, qui était le mari de enfin, quelqu'un qui essayait de charmer la dame qui s'occupait de lui, et qui a été conduit et qui a décidé, puisque c'est ça, puisque tu veux pas sortir avec moi, je vais me pendre dans ta grange. Et c'est lui qui a trouvé donc ce pendu alors qu'il était encore enfant. Et en fait, on se rend compte que très tôt, il est marqué comme ça par des expériences quand même assez traumatisantes, Thomas Croisière. Oui, mais là, vous savez, je ne vous ai absolument pas écouté, Frédéric Segrist, parce que démarre les ricains. Les ricains en tapis. Ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Titre polémique quand même, interdit par le général de Gaulle. Elle est déjà longue, cette émission. Donc voilà, mais vous avez bien fait de mettre du Michel en tapis, parce que moi, ça me donne envie d'écouter du Michel. Donc effectivement, la vie de Michel Sardou n'a pas été simple et faite de beaucoup d'aléas. Vous l'avez dit. Ah, c'est difficile quand on dit des conneries comme ça de reprendre le fil. Hein. Pas du tout, je saluais juste les ricains. Chanson interdite une fois encore par le général de Gaulle. Justement, parlons un petit peu de ce passage à la chanson et de. Comme il le dit dans le. dans l'extrait qu'on a entendu au début, il n'avait pas beaucoup de technique, c'était un petit peu compliqué, il essayait d'imiter des chanteurs un peu plus en vue. Et puis, il y a cette chanson, Les Ricains, qu'il sort parce que en réaction à un drapeau Vietcong qu'il voit sur une devanture, il dit bah quand même, là c'est un peu gonflé, il faut pas oublier que les Américains ils sont venus. Et il écrit cette chanson et paf, Général de Gaulle interdit la chanson. Pourquoi ? Il se trouve que ça se passe au moment où le Général de Gaulle décide, si mes souvenirs, j'étais pas né moi, mais décide de le retrait de la France, de l'OTAN et de se prononcer contre les interventions américaines. Ah, il a le nez. Hein. Voilà, et ça sort, je crois, le jour même ou à un ou deux jours près, donc le 45 tours se retrouve interdit, et c'est ça qui fait sa promotion en fait, parce que jusque-là, les albums, les disques de Sardou font tous des bides monumentaux. Il a un petit succès avec une chanson qui s'appelle Petit. À part ça, ça marche pas. Et c'est les Ricains qui va commencer à le faire connaître parce que le disque est interdit. Et il y a même Eddie Barclay qui s'est rarement trompé, qui a quand même dit qu'il n'avait aucun avenir dans la chanson, qui lui a même rendu son contrat en pensant que Michel Sardou ferait mieux de faire de la comédie. Jean-Yann lui avait dit aussi la même chose. Oui, absolument. Donc, parce que des grands noms quand même qui te disent oh, « tu vas pas réussir hein. ». Et finalement, c'est le pari d'un de ses compositeurs, Jacques Revaux, et d'un autre producteur qui s'appelle Régis Tallard, qui vont monter une maison de disques pour lui, qui va s'appeler Tréma, et qui vont décider de continuer à produire ses disques. Mais sans ça, Sardou était bon pour repartir vers la comédie après les échecs de ses premiers 45 tours. Dolores Baquella, on voit que la carrière de Sardou, finalement, a été lancée par quelque chose qui va être la matrice de son histoire. C'est qu'il a énervé quelqu'un. Exactement. On peut vraiment dire que son succès, en fait, s'est fondu en même temps dans la polémique. Enfin, c'est assez synonyme de ça à chaque fois. Et aussi la question de l'esprit franchouillard. Thomas Croisière qui s'est vu quand il laissez... entend le début des lacs du Connemara. Cet homme, moi j'y arrive très bien. Parce qu'il y a les lacs du Connemara en tapis. Et je vais dire comme lui, lacs du Connemara qui lui a permis les Irlandais l'ont fait citoyen d'honneur et ils ont donné les clés. Donc ça, c'est une chanson importante et dans le même livre que vous citiez, il dit aussi qu'il a fait un test ADN et s'est rendu compte qu'il était en plus plutôt proche de cette partie du monde que ce qu'il croyait, c'est-à-dire du Sud. Mais effectivement, la polémique, et d'ailleurs c'est ce qui est compliqué avec Michel Sardou, c'est qu'à la fois on peut l'admirer, on voit il y a des fans, hein, et en même temps, ces prises de position médiatiques, pour moi, font qu'il y a un problème, parfois une ambiguïté et un trouble, avec parce que lui, il dit beaucoup, moi je suis prisonnier de ça. Il a dit, hein, son producteur, Régis Tallard, c'est lui qui l'a un peu enfermé, avec Vin Buggy aussi, dans cet esprit franchouillard. Je ne suis pas sûre qu'il ait été victime complètement, quand on le voit notamment, la manière dont il s'exprime aussi par rapport, enfin, sur certains sujets sur lesquels il écrit. Il prend position. Voilà, oui, parce qu'il est co-auteur, hein, il n'est pas non plus là à dire faites mon texte. Mais c'est en ça que je le trouve fascinant. C'est dans sa représentation, son incarnation de ce qu'on appelle le peuple français. Complètement. De quelque bord politique qu'il soit, c'est-à-dire cette manière de balancer, de réagir instinctivement. De balancer une phrase et ensuite par mauvaise foi dire oui mais c'était pas vraiment ce que je voulais dire, je l'ai fait comme ça, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais dit une connerie. Mais c'est beaucoup plus fatigant de dire j'ai fait dire une connerie que de dire non en fait c'est vous qui avez mal compris Mais il l'a dit de temps en temps lui, il l'a dit de temps en temps, il l'a dit hein, j'ai déconné. Et puis surtout à un moment il a quand même dit très clairement une chose, parce qu'on lui a aussi beaucoup reproché ses chansons, il a dit dans Salut hein, je ne suis pas l'homme de mes chansons, c'est vrai. Mais justement ça finalement, parce que bon peut-être anticipe, mais il a arrêté en tout cas sa carrière discographique et sa carrière mais pas sa carrière scénique. Et il y a une espèce de boucle comme ça, c'est-à-dire il partait finalement, il voulait être comédien à la base et il finit une carrière quand même monumentale. On peut pas lui enlever le fait que c'est un des grands chanteurs qu'on ait en France. Ses concerts sont absolument concerts dans lesquels il prend aussi la licence de revenir de corriger un peu quand même le tir sur les textes, hein, c'est pas pour rien non plus, ou d'enlever complètement certains titres qui ont été trop polémiques pour qu'ils puissent continuer de les jouer sur scène. Et effectivement, là, il se consacre au théâtre. Donc il y a quand même ce fil rouge de ce personnage, hein, de ce français, ces français et françaises qui l'a accompagné, que ces textes ont accompagné tout au long du siècle, quoi. Et d'ailleurs, il dit, lui, le 21e siècle, c'est pas son siècle, il le déteste. Je hais ce siècle. Je hais ce siècle. La phrase est mais forte. En même temps, le 20e siècle, est-ce qu'il l'a autant aimé pour avoir autant chanté certains quand même de ces moments et de ces personnages les plus, voilà, les moins, enfin, pas les, forcément les plus lumineux. C'est aussi ça l'ambiguïté de Michel Sardou. Julien Baldacchino, après le succès des Ricains, pourtant il faut qu'il transforme l'essai. Il a acquis une renommée, on sait qui il est, mais ça arrive beaucoup plus tard en fait avec les bals populaires. J'habite en France, c'est avec cet album-là que vraiment tout d'un coup il a intronisé chanteur des Français. C'est ça, et il ne voulait pas être porté cette image-là au début. Sardou, c'est un passionné d'histoire, un passionné de textes un peu fins, donc ensuite de il cinéma va travailler aussi. De cinéma. Son réalisateur préféré, c'est Clint Eastwood. Oui. Oui. C'est ce qui est formidable, parce que Clint Eastwood est au niveau du cinéma américain. Attention. Ce que Sardou est un petit peu au niveau de la musique française, c'est une figure contestée, ouais, souvent qualifiée de réac, un insoumis. Et on lui colle à ce moment-là une autrice qui est Evelyne Buggy, qui a pas beaucoup bossé avec lui, mais qui est plus connue pour avoir travaillé notamment avec Claude François à cette époque-là, qui va lui écrire les bals populaires qu'il n'a pas envie de chanter. Mmh. Il l'enregistre à contre-cœur, il a pas envie que ce soit le 45 tours de l'album non plus. Ça sort, ça fait un carton. Il se retrouve malgré lui dans ce côté franchouillard qu'ensuite il va assumer et qui va surjouer. Oui. Ouais. Alors après un harcèlement de la part de Thomas Croisière qui me fait me poser des questions quand même sur sa santé mentale, on consacre enfin un blockbuster à Michel Sardou et je me suis dit que vu que ça n'arrivera sûrement qu'une fois, ouais, autant y aller franco. Allez, on écoute J'accuse. J'accuse, oui, sur l'album La Vieille sorti en 1967. Polémique. Cette émission est réalisée après pas mal de tractations par Céline Hila. Elle a été préparée avec résistance par Emma Ferret. Tout ça avec l'assistance de notre stagiaire Robinson Radanac et notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer, qui ont fait cela avec dévouement. J'ai une timidité agressive, une timidité qui me pousse. Je ne me replie pas sur moi-même, je prends sur moi et je fonce un peu. Alors j'ai un peu l'air bourru comme ça et je le cultive un peu d'ailleurs. J'accuse les hommes un par un et en groupe. J'accuse les hommes de cracher dans leur soupe, d'assassiner la poule aux œufs d'argent, de ne prévoir que le bout de leur temps. J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de névroser l'âme des pauvres gens, de nécroser. Alors qu'ils sont bêtes à croquer la pomme. je veux qu'on les condamne, au maximum qu'on arrache leur âme, puis qu'on la jette aux rats et aux cochons, pour voir comment eux. J'accuse de Michel Sardou dans Blockbuster sur France Inter. C'est terrible ce qui m'est arrivé avec mon père, et je l'aime énormément, j'ai toujours aimé, ça n'a rien à voir. Mais il a eu une réaction assez extraordinaire. Quand je lui ai dit que je voulais être acteur, comédien, il a ouvert la porte de la maison, il dit « Sors, reviens jamais, il faut que t'en vives ». Et il a refermé. Bam ! Et ça, c'est la meilleure école du monde. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays. Toi, Vladimir Ilitch, au soleil doux tombe. Combien d'années faut-il pour gagner 4 sous quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe? Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés les chemins de l'espoir? De quel brouillard, rien n'a changé, les damnés de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes. Vous entendez Vladimir Ilitch sortir 1983 sur l'album du même nom. Et évidemment, avec J'accuse qu'on a entendu précédemment, on a ces textes voilà, qui sortent comme ça. Et on le disait hors antenne, il y a ce rapport très particulier entre lui et ses paroliers et ses compositeurs. Parce que mine de rien... Et puis là, on a le trio magique. On a un trio magique. On a Revault, Delanoë, Sardou. Les plus grands tubes de Michel Sardou passent un peu par là. Ensuite, t'as un peu de Didier Barbelivien et un peu de Pierre Billon aussi, qui est essentiel, et aussi sur tous les arrangements des tournées. Mais là, moi, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me donnez, Frédéric Sigrist, aujourd'hui. Voilà, je viens d'écouter coup sur coup deux titres de Delanoë, Revault, Sardou. Je suis en extase, je meurs de plaisir. Tant mieux, tant mieux. Mourir de plaisir. Mourir de plaisir. Poser les mains sur un visage. Et c'est vrai que c'est vrai, Dolores Bacalla, que là, alors je sais d'avance que je vais recevoir des mails disant oui, dans la version de J'accuse, à un moment donné, il insulte les homosexuels et tout ça. Je sais que je vais recevoir des mails. Il faut se remettre dans le contexte et il faut savoir qu'il a changé les paroles ensuite quand il a repris la chanson 10 ans plus tard. Oui, oui, bah parce que forcément c'est. Oui, c'est compliqué. Bah oui. Non, c'est compliqué. Et en fait, quand vous venez de dire, il change les paroles et je vais recevoir des mails, mais en fait, c'est normal. C'est-à-dire que fait. En fait, on peut pas non plus. C'est-à-dire que lui, il dit voilà, accepter ma licence poétique, accepter que je sois aussi cette personne qui se met dans un personnage, et c'est le cas. Acceptons aussi que heureusement, puisque vous êtes chroniqueur de cette actualité, elle évolue, elle change, heureusement, et qu'il y a un moment donné où quand on regarde ses paroles, on se dit que bah c'est stigmatisant, et heureusement. Et justement, est-ce que en revoyant toute sa discographie, on a l'impression que quelquefois il établit un dialogue avec lui-même. Alors déjà, il établit souvent un dialogue dialogue avec ses parents qui étaient absents, ça c'est sûr. Mmh. Mais même avec lui-même, c'est-à-dire que quand il fait Le Privilège, qui est une chanson sur un coming out, mmh. Où il insiste sur le fait, voilà, y a pas, c'est difficile pour un garçon d'avouer ça à ses parents et en fait d'arrêter de se mentir à soi-même. Mmh. Et j'aime les hommes. Point. Est-ce que c'est pas en disant, est-ce une maladie ordinaire? C'est ça. Tu vois qu'on peut lui reprocher aussi. À oui, mais est-ce qu'il n'est pas en permanence en train d'afficher un garçon qui aime un garçon? Si, il est en dialogue à la fois avec sa vie à lui, hein, c'est-à-dire que même on peut parler du rire du sergent, qui est quand même, quand on le voit à l'image, on le voit toujours mimé de manière quand même assez ridicule et caricaturale, discriminante, ce que serait ce sergent. Et en fait, en parallèle, on peut trouver dans sa discographie ou dans même des textes d'autres choses qui disent complètement autre chose. Mais c'est aussi, encore une fois, c'est cette licence qu'il se donne de pouvoir être à la fois parfois Michel, un petit peu plus, parfois ce personnage complètement. On parlait des paroliers aussi juste avant. Bah, des fois, c'est souvent Delanoë qui lui met des mots dans la bouche. Hein. Oui, il dit, voilà, on est un coin de table, d'un coup, hop, ça se lance comme ci, comme ça. Le processus même de création, il est intéressant pour voir que c'est pas... Et lui, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas Croiser, il a dit, voilà, je ne suis pas l'homme de mes chansons. Mais on voit que ça constitue une espèce de mosaïque à la fois qui résonne avec les débats du temps et qui en même temps aussi un peu de ce qu'il pense lui, quoi. Julien Baldacchino, est-ce que la discographie de Michel Sardou, c'est pas un compte Twitter avant, avant l'heure, en fait? Alors, en un peu plus de 280 signes, mais c'est vrai que quand on regarde les chansons de Sardou, il dit tout et son contraire. Mm. Et après, les français. Voilà, c'est très français. La particularité, c'est que finalement, ce qu'on a beaucoup pris pour des prises de position politiques étaient des regards sur la société, des façons de voir tel ou tel événement, mais que des vraies chansons politiques, dans la discographie de Sardou, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une qui est très marquante, c'est Les Deux Écoles, qui arrive vraiment pour prendre position sur un débat sur l'école libre dans les années 90. Mais sinon, c'est toujours des... On est quand même en temps d'école. On a le temps des colonies. Là, on a le temps des colonies. Qui n'est passé qu'une seule fois à la radio. Oui. C'était sur France Inter, au moment de sa sortie. C'est vrai. Donc là, c'est la deuxième fois, Fred. Oui, c'est la deuxième fois. Vous prenez des risques, mais... Mais justement, ce qui est aussi intéressant, c'est que... Maintenant, rentrons un peu plus dans le sujet. C'est de quelle France parle-t-il? Il parle d'une France qui lui ressemble aussi. Il parle d'une France assise, masculine, française, peut-être où on boit des coups. Et nos femmes nous font de beaux enfants. Voilà, blanche, une France blanche, parce que effectivement, quand il convoque, donc c'est le temps des colonies, c'est zombies du pont, ou alors c'est musulmane comme ça, avec une espèce d'orientalisme qui est aussi gênant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi par qui, enfin dans quelles oreilles aussi passe ce regard sur la France. C'est ça qui est intéressant. Après, c'est la même époque où on peut voir Dorothée, du Club Dorothée, chanter dans une marmite. Oui, la machine à laver. La machine à laver. Mais c'est aussi ça qui fait que quelque part, il est complètement dans l'air du temps. Mais dans son époque. Mais justement, c'est pas un visionnaire, Michel. C'est pas non plus quelqu'un. Voilà. C'est un homme de son temps. Voilà. Oui, mais un homme de son temps. Encore que dans le J'accuse qu'on a entendu, ce sont les débats de société qu'on a aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bah, après, c'est pour dire aussi si notre société se répète et c'est pas non plus une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Mais voilà, Michel Sardou a quand même ce truc où il est pas non plus sur le progressisme et le. Non. Voilà. Il illustre les débats du moment, Julien Baldacchino. C'est très, très rarement, effectivement, qu'il va se placer en contradiction. Il l'illustre, il apporte un regard, mais il faut aller chercher très profondément dans sa discographie. En venant, j'ai écouté une chanson qui s'appelle Les gens du show business, qui est de 71, et qui, par contre, est d'une actualité folle parce que c'est sur ces gens du showbiz qui promettent un rôle ou une chanson à des jeunes filles en leur disant « si, passe par mon lit ». Oui. Donc, il y a une partie de regard un peu acerbe, mais sinon, il ne fait qu'illustrer. Et la chanson, les paroles du temps des colonies, c'est quasiment le texte des publicités de télé pour les entreprises pétrolières de l'époque. Mais c'est ce que vous venez de dire aussi, c'est qu'en fait, plus il est proche de son sujet aussi, plus il arrive peut-être à dire des choses qui sont un peu plus intéressantes. C'est vrai. Alors, je l'ai dit en début d'émission, hein, et on est en train de l'illustrer, Monsieur Sardou, vous vous doutez bien qu'il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Sardou, de chez Michel Sardou, hein, le vieux monsieur qui gueule. Là. Et alors, Sardou, il a dit qu'il aimait pas le rap violent, le rap des méchants. Bon, je résume en léger. Hein. Et donc, Booba l'a pris pour lui et il a cité des passages de son de Sardou, pas spécialement conviviaux. Il y a quoi, du coup, comme passage grave? On s'en fout, c'est du Sardou. Mais cette chanson, le texte n'est pas possible. Quoi. Femme des années 80. Non, attendez, ça commence. Je fais un voyage en absurdité et je vais vivre l'étrange drame d'être une femme. Merci. Oui, l'étrange drame d'être une femme. Voilà le début mais de la après, chanson. Mais après, il prend le pouvoir. Et après, mais. En tant que femme. Arrêtez. Être un PDG en bas noir, rouler des patins aux conscrits, rouler des gamelles au planton, plus loin, c'est. Et au steward, rouler des pelles quand elle est commandant de bord. C'est une chanson macho. Mais enfin, on limite la femme à ça. Ça devait parler de colonie, vu que Michel, c'est un gars qui dit des trucs comme un tonton raciste qui casse les couilles à Noël après trois kirs. Toujours un peu tendu, moi, quand il y a une chanson de Sardou avec Afrique dans le titre. Je me dis, voilà. Où allons-nous? Quand t'es Renoir, en général, si t'entends du Michel Sardou, t'es dans un milieu hostile. Un mauvais moment à penser. Alors ça, c'est évidemment les réactions que Michel Sardou suscite, et pas qu'à France Inter. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est collégial. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui se sont sentis heurtés par certaines de ses positions et certains de ses textes. Mais et là, je rejoins Dolores Baquella sur lui-même, sur le fait que Michel Sardou a entretenu lui-même la polémique. À l'origine, on va pas se mentir, il y a quand même un gars qui n'a, il a jamais fallu le pousser trop. Pour dire n'importe quoi. Il est disproportionné parce qu'ils sont en train d'emmerder le monde pour des chansons. Il n'y a vraiment pas de quoi faire tellement de cinéma. Enfin, je veux dire, c'est un tour de chant, c'est du spectacle, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a d'autres raisons de se battre, enfin, que du tour de chant de Michel Sardou. Personne ne m'empêchera de chanter ni de m'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire, on est encore libre, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Il y a les mecs, les gonzesses du MLF qui viennent me dire que je suis pour violer les femmes, les malheureuses, il faudrait qu'elles se rasent la moustache avant que je les viole, celles-là, parce qu'elles sont épouvantables. Il y en a qui me disent facho, d'autres la peine de mort, le troisième les PD, le quatrième, ben voilà. Ça veut plus rien dire. Je chante des chansons, surtout, c'est satirique. Bon, il y a des sujets, bien sûr, un peu moins marrants, mais enfin, faut pas charrier. Et surtout, des gens qui empêchent les autres de s'exprimer. Ça, au nom, bien sûr, de la liberté d'expression, ça, naturellement. Mais quand on parle pas comme eux, liberté de pas vouloir dire la même chose dans leur camp. Il faut qu'il y ait toutes les expressions possibles dans la chanson. Mais dans une grande solitude, tous les héros se sont volés. Aux cheminées du crépuscule, et leurs torrents se sont calmés. C'est un extrait de Les Villes de Solitude, sorti en 1973. Et si je ris, ouais, c'est parce qu'il fallait voir la tête de Julien Baldacchino et Thomas Croisière autour de cette table. Non, mais c'est très moche. Cet extrait où Michel parle tout seul. Oui. Et alors, on est en 77. Il est très clairement fatigué. Oui. Il a clairement pris un peu trop d'alcool. On reconnaît sa voix un peu cassée comme mais ça. Mais quand même, avouez que, au bout d'un moment, ça devient compliqué de dire, oui, vous m'avez mal compris. Mais il est rond comme un Polonais. Peut-être. Oui, mais tu t'es vu quand t'as bu et qu'il y a un micro devant toi. Ouais. L'alcool n'est pas une excuse. Et par ailleurs, c'est un peu comme dans son livre où justement il se défend. Il dit la seule accusation qu'on n'ait pas portée, c'est le racisme, parce que mon beau-frère, c'est Jean-Marie Perrier. Non. Enfin, c'est pas comme ça. Hein. Et du coup, c'est là où des fois, on plonge, quoi. On est là, non, Michel, ça va pas. Mais on a entendu dans la séquence J'aime pas cette confrontation avec le milieu du rap. Ouais. Et en fait, je trouve que à bien des égards, la carrière de Michel Sardou est une carrière de rappeur, en fait. Mais n'oublions pas la partie où il parle sur Je vole, qui est un des plus grands slams de l'histoire de la chanson. Alors, on va y venir. Ah, pardon. On va y venir, monsieur Croisière. Julien Baldacchino, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre Aurel San aurait très bien pu écrire Les Villes de Solitude. Et surtout, il y a peu aujourd'hui, si on regarde le parcours et la carrière des artistes, en fait, les artistes qui font polémique aujourd'hui, comme Sardou a fait polémique dans les années 70, a déclenché des pétitions, à demander des annulations de concerts, ce sont effectivement des rappeurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc Sardou est ambivalent aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, il dit j'admire, ce sont les seuls maintenant, il l'a dit, les rappeurs ont des couilles actuellement. Oui. Et il dit j'aime les orchestrations, il aime le rap et en fait, il se ressemble. Et même parfois, il y a eu des samples et tout, pour les bonnes raisons, mais voilà. Et en même temps, il dit après, c'est une musique qui me casse la tête, comme le disait aussi Pierre Delanoë. Noé, et j'ai du mal à écouter. Donc il a toujours un peu ce côté, alors que c'est vrai que il y a cette espèce d'incohérence, mais même au niveau des textes, au niveau de l'amour du mot, quand il dit les rappeurs ont des couilles, parce que effectivement, moi, pardon, je l'ai dit plusieurs fois, c'est ça peut vous aimez dire ce mot manifestement. C'est vrai, mais non, mais c'est votre choix. Non, mais parce que bon, c'est une image pour dire effectivement que eux, ils vont aussi ciseler qu'il y a des histoires, qu'il y a des images. Il dit la chanson française actuelle ne raconte rien. Alors je suis pas en train de là, je suis aussi dans le... mais c'est ce qu'il dit, et il dit la seule musique qu'il trouve grâce à ses yeux et qui finalement il y a une filiation, c'est le rap français. C'est intéressant. Et c'est vrai que bon là sur le passage où il s'exprime en son nom, là on peut totalement comprendre pourquoi les gens ne l'ont pas aimé. Mais c'est vrai que dans certaines de ses chansons et certaines des chansons qui ont pour lesquelles il y a eu des autour lesquelles il y a eu des polémiques, il y a cette dimension aussi de d'incarnation d'un personnage. La chanson qu'on a entendue, Les villes de solitude, effectivement, c'est un mal-être urbain qui est illustré. Et à la fin. Et tout à l'heure, on disait qu'il n'était pas visionnaire sur le sujet des banlieues, etc. Là, Michel, pour le coup, avait de l'avance sur la société. On retrouve la même chose dans Starmania. Quand oui, on arrive oui, en ville, on arrive exactement la même chose. Et effectivement, on n'a pas souvent fait le distinguo, mais à un moment, quand Francis Cabrel dit depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, il n'y a personne qui va se dire Francis Cabrel est un taureau. Oui. Donc quand lui, il chante à la première personne, il l'interprète un rôle. Et on le comprend pour les autres artistes. Quand Mylène Farmer dit « Je suis libertine, je suis une catin », personne n'irait traiter Mylène Farmer de prostituée. Donc là, c'est le même sujet. Enfin, pourquoi on n'a pas cette même distance quand il s'agit de Michel, de comprendre que c'est un texte. Oui, mais parce que... Un rôle. Il n'est pas Danton quand il chante Danton. Oui, bien sûr. Mais par contre, la différence, c'est que par exemple, quand Mylène Farmer chante et dit « Je suis libertine », on sait aussi que derrière, il y a une volonté de transgresser les codes et qu'en tant que femme, justement, qui en plus écrit, propose quand même des images qui sont des images fortes. Elle est du côté du progressisme. Elle est, si on peut le résumer comme ça, exactement. Et Cabrel dans le taureau. Oui, non, mais dans le taureau, c'est aussi la question d'une culture, c'est la question aussi de la corrida, c'est la question de tout ça. Encore une autre question. Quand Michel Sardou s'incarne en homme seul dans les rues, dans ces villes de solitude, on a cette image qui lui colle à la peau. Il le sait très bien, d'ailleurs. Et il l'a dit, on a écouté un extrait. Il en joue aussi, cette image, parfois, de cet homme seul, etc. Et il s'est mis... aussi, il en a joué, il a appuyé ce trait, en fait, un peu du franchouillard qui se retrouve comme ça dans les rues. Et puis après, ces déclarations. Moi, j'aime les voitures qui vrombissent, j'aime les moteurs, c'est pour ça que j'aime conduire. Il a quand même ce côté aussi quand même très masculin, pour très pas dire masculiniste. De virilité, oui, c'est voilà, sûr. Qui fait que quand on met les deux, à un moment donné, on se dit, écoutez, Michel, vous poussez un peu le bouchon. Mais c'est le premier qui dit quand même qu'il veut voir une femme présidente de la République. Et on est en 1980 quand il le tout dit. Tout en critiquant le MLF. L'actrice me dit oui, pour faire bander la France. Mais comme on bande pour un projet politique. Enfin, ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Mais le MLF, il les déteste. Donc, on est toujours dans ce double standard-là qui est compliqué. Et moi, je comprends les gens qui disent Michel Sardou, c'est pas possible parce que c'est trop compliqué. Après, on n'a pas assez parlé, parce que ça, c'est ses textes, c'est sa manière d'agencer ses idées. Mais il y a cette musique. C'est-à-dire que Michel Sardou a quand même une facilité à créer des arrangements qui tout d'un coup transportent aussi son public et son auditoire. Ah, c'est autre chose que Coldplay. Hein. Oui. Ce qui est très fort avec Michel Sardou, c'est que si on regarde la musique, en fait, il n'a jamais été branché. Il n'a jamais été à la mode. Il n'a jamais été quand les chanteurs des années 60 faisaient des yéyés, lui faisait quelque chose qui était un peu hors du temps. C'est ce qui lui a permis de traverser les époques et c'est ce qui a permis à certaines de ses chansons d'avoir deux ou trois vies, de continuer à exister en concert. Il y a des chansons qui aujourd'hui en concert, aujourd'hui en tout cas jusqu'à la fin de sa carrière sur scène, ne sonnaient pas du tout pareil que ce qu'elles sonnaient sur disque. Donc il a réussi comme ça à garder une patte musicale unique, et une chanson de Sardou, c'est une chanson de Sardou, ça ressemble à pas grand chose d'autre musicalement, c'est assez exceptionnel. Et comme Johnny, hein, qui était d'ailleurs aussi, dont il était très très proche. Et oui, ils ont chanté ensemble. Avant de se fâcher. Avant de se fâcher à cause d'une blague vraiment douteuse de que Sardou a fait en plateau et qui a été répétée à Johnny sur les enfants qu'il avait adoptés. Il les a traités de niaque, il en parle d'ailleurs très bien dans le livre, hein, il regrette ses propos. Il n'a pas pu s'en expliquer, mais ça c'est pareil. Vous voyez, là on est en plein dans ce qui pose problème en fait. C'est-à-dire qu'à la fois on est amis, on fait des duos ensemble, etc. Et après on regrette d'avoir dit Viet Cong devant. C'est pas possible en fait. Là, à un moment, Johnny, c'est normal qu'il ait réagi comme ça et c'est normal que les personnes se disent j'ai besoin de temps pour y revenir. Et pourtant, il lui a écrit en 1973 la plus belle chanson d'amitié de l'histoire de la chanson française qui s'appelle Hallyday le Phénix, oui. Que je vous encourage vivement à écouter. Oui, mais ça fait longtemps. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est moins connu, c'est que Michel Sardou a un faisceau d'amitié assez surprenant, c'est-à-dire que il y a évidemment on sait Johnny et Eddie Mitchell d'un côté, il a commencé sa carrière avec Michel Fugain, mais il y a aussi Barbara, Mylène Farmer, des chanteuses, voilà. Barbara, initialement la comédie musicale qui est aujourd'hui jouée par Gérard Depardieu, c'était Michel Sardou. Elle avait approché pour que ce soit Michel Sardou qui le qui la joue. Yves Montand a pris sa défense, enfin bon, ouais. Bedos, c'est même investi pour lui à propos de la chanson Je suis pour, en disant mais arrêtez, il a écrit à hauteur du père de c'était sur la loi du talion, oui. Il a toujours dit c'est une erreur de titre. Et Bedos disait aussi Sardou c'est un type qui chante bien mais qui ne pense pas juste. Mais qui pense faux. Voilà, qui pense faux, qui chante juste, qui pense faux. Voilà. Belle formule. Ouais. Et par ailleurs, Barbara, il y a l'anecdote incroyable là où il raconte qu'elle était dans un placard parce qu'elle aimait pas quand elle était dans les loges être exposée aux gens et que un jour il l'a oublié et donc il a dû retourner faire rouvrir les salles parce qu'il l'avait oublié dans le placard. Bon. Ouais, mais en même temps, c'est le vrai star system quand tu oublies Barbara dans un placard et tu vois, tu peux le ça dans tous les repas, ça calme tout le monde. C'est ça. C'est je vais raconter le jour où j'ai oublié Barbara. C'est ça. Exactement. Et en même temps, Michel Sardou, c'est aussi quelqu'un qui va tellement loin dans l'idée de qu'il a envie de défendre, c'est-à-dire que quand il écrit France par exemple, il se met quand même dans la peau d'un bateau. Oui. Qui fait ça? Qui dit tiens je suis un bateau? Parce que si après c'est toute une carrière qui peut s'ouvrir, c'est-à-dire tu peux chanter une table basse, une sorbetière. Vous voulez dire que c'est l'acteur ultime? Mais oui. Ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a Daniel Day-Lewis et Michel Sardou. Oui. Et je pense que Daniel Day-Lewis joue vachement bien, moins bien les paquebots que Michel Sardou. Après on va répondre à votre provocation car c'est une provocation, mais à travers le France, il part bien évidemment de la France puisqu'à la fin il dit. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorants. Sans doute une des plus belles phrases de la chanson française. Donc là, il parle de l'identité française et puis de cette déception de la fin du plus grand paquebot du monde qui était presque aussi grand que l'océan. Et il est applaudi par la CGT. Par la CGT. Et il vient chanter en Rolls. Voilà, là, il y a Michel qui... Voilà, toute son ambivalence, elle est là. Exact. Et de nouveau, interdit et pas très apprécié par le pouvoir en place. Donc c'est Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Mmh. Donc en fait, quand on récapitule, il se fait censurer dès le début de sa carrière par le général de Gaulle. Il a réussi à fâcher Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Et il était apprécié par Mitterrand. Il est décoré de la Légion d'honneur. Décoré par Mitterrand, qui adorait cette chanson « Je ne suis pas mort, je dors ». T'es pas très de gauche non plus, Mitterrand, mais c'est un autre sujet qu'on lancera ailleurs. Mais c'est quand même assez rare dans un parcours d'avoir quelqu'un qui a réussi à fâcher autant de personnes et en même temps qui en a rencontré aussi autant. Parce que Michel, c'est la France. Et effectivement, il se dit lui-même très étonné que Mitterrand, premier président de gauche de la Ve République, le reçoit et lui dit voilà, j'adore vos chansons et j'en adore tout particulièrement une qui s'appelle Je ne suis pas mort, je dors, qui est pas sortie en 45 tours, qui est une chanson un peu très ésotérique. D'ailleurs, c'est le titre de son livre. Oui. Mais ça rentre en résonance avec la pensée mitterrandienne qui a dit quand même avant de partir, je crois, dans les forces de l'esprit, etc. Oui. Ça rejoint certaines idées de François Mitterrand. Alors, Michel Sardou a souvent été repris par les jeunes générations, notamment la chanson « Je vole » qui a servi de bande-son au film « La famille Bélier ». On va pas l'écouter, Frédéric. Une chanson qui ne parle pas de fugue ou d'émancipation, mais bien de suicide. C'est faux. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds, comme les soirs où je rentrais après minuit, pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien, tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. En passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure, en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner. S'éloigner un peu plus, il y a la gare, et après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. C'est bizarre, cette espèce de cage qui me bloque la poitrine. Ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure, mes parents se douteront que je suis en train de pleurer. Or, surtout ne pas se retourner, ni des yeux, ni de la tête. Ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis, et pourquoi, et où, et comment. Il est 7h05. Je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Oh, surtout ne plus se retourner. Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Très souvent, les gens m'ont accusé de certaines choses dans mes à travers mes chansons, parce que j'en ouvre pas la première personne, je dis je. Alors évidemment, comme je dis je, les gens disent, ben, c'est ce qu'ils pensent. Ils s'imaginent pas une seconde qu'en disant je joue un personnage. Vous voulez dire qu'il y a certains personnages que vous avez incarnés, même en chanson, que vous n'aimiez pas vraiment ? Non, c'était, la chanson est venue. L'idée est venue, j'ai dit tiens, c'est intéressant de traiter de ça, et je l'ai joué. Mais en fait, c'est un petit sketch, une chanson, c'est un petit passage de comme je suis au théâtre, c'est pas forcément ce que je pense, ce que pense Guitry ou un autre, mais je le joue et je le défends. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. Vous avez reconnu le France, oh oui, composé par Jacques Revaux sur des paroles de Pierre Delanoë et de Michel Sardou, et c'est sorti en 1975. On s'approche tout doucement de la fin de cette émission. Alors évidemment, je vais poser la question aux fans de Michel Sardou. Est-ce que vous êtes satisfait après 3 ans de ce moment où nous avons évoqué votre chanteur chéri ? Je suis en transe, mais j'ai juste un petit souci. Vous avez dit que Je vole était une chanson sur le suicide. C'est ce que dit Michel, et c'est ce qu'il dit dans son livre précédent. Mais Pierre Billon, qui a écrit la chanson dans le livre Regard de Bastien Cossec, qui est très intéressant. Aux États-Unis. En fait, dans ce livre d'entretien, il a rencontré 33 personnes qui ont travaillé avec Michel, dont Pierre Billon qui a écrit Je vole, et dit pas du tout, c'est l'histoire d'un gamin qui s'en va de chez ses parents, et d'ailleurs, qui veut aller aux États-Unis, et ça rentre en résonance avec l'affaire dont on a parlé tout à l'heure, le fait que Michel Sardou était rattrapé à l'adolescence par son père à l'aéroport. Donc bon, Michel dit une chose, pour sans doute construire sa légende, ou peut-être que quand il le chante, il pense à ça, mais l'auteur, Pierre Billon, pensait à un petit peu à un She's Leaving Home des Beatles, en fait, hein, et il quitte la maison, et d'ailleurs, il y a la même mécanique, Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Donc voilà, maintenant, écoutez-la, elle est juste bien, pas la version Louane, s'il vous plaît. Julien Baldacchino. Ravi d'en avoir parlé, mais ça montre aussi que à travers les chansons de Michel Sardou et en parlant de Michel Sardou, on parle aussi de la France, de la société française et de la chanson populaire en fait. Michel Sardou, il représente ça, il représente vraiment ce qu'on appelle la variété française. Et la variété française, c'est pas un art mineur, c'est-à-dire que ça peut vouloir dire plein de choses. Dolores Bacalla. Oui, moi ce que je trouve vraiment intéressant, et je rejoins Julien aussi, c'est ce que ça dit aussi de l'industrie, c'est-à-dire de cette époque où quand même, on n'en a pas vraiment parlé, hein, mais il y avait l'audiovisuel qui permettait de voir tous ces artistes, l'argent qui était mis dans les shows, etc. Exactement. Et aussi, effectivement, bah moi, ça, parce que c'est un de mes sujets, le rap aussi français, parce que je pense que vraiment, va falloir explorer ça, à quel point en fait, on a cette impression qu'on peut plus... Intéressant votre parallèle Michel et ça et le rap, c'est très intéressant. Ouais. Eh bien, on va rester là-dessus. C'est la fin de cette émission consacrée à Michel Sardou, Dolores Bacalla. Elle est en direct. Non, Thomas Croisière, vous allez voir les mails. Julien Baldacchino, merci d'avoir éclairé ce chanteur d'une manière un peu différente. Vous pouvez, comme tous les jours, nous laisser un message au 01 56 40 30 20, hein, ou bien sûr en parler directement avec Thomas Croisière sur Twitter. La manière dont il a occupé notre répondeur les 5 derniers jours me fait penser qu'il a du temps et besoin de parler. Ce qui m'ennuierait, c'est que personne parle de moi. Que tout le monde s'en foute, ça, je serais vexé terriblement. Mais que quelqu'un se donne la peine de passer une heure ou deux dans une émission ou dans la vie pour dire du mal de moi, je suis très flatté, à la limite. Ça veut dire que quand même, je les emmerde. Donc, si je les emmerde, j'existe. Autrement, ils n'en parleraient pas. Bon, bah, ça prouve que je laisse pas indifférent quelque part et que mon but est atteint, en fait. Michel Sardou, c'est fini. Je vous propose qu'on se quitte avec Michel qui nous interprète FYO for your only. Je sais pas, c'est Michel. C'était Fayo de Michel. Demain dans Blockbuster. Dans un souci d'apaisement après l'émission sur Michel Sardou. Dans une mission de service public qui est d'honorer la pluralité de tous les auditeurs pour tout le monde. Demain, une émission totalement de gauche, consacrée aux premiers écologistes de France. Les chasseurs. Non. Calmez-vous. C'est un jeu vidéo et on ne chasse que des monstres. Demain, on parle de Monster Hunter. France Inter.